Slimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 avril 2023. Voici les grands titres de cette édition. La démolition des stands érigés à l'extérieur du marché de Rouvoumera n'a pas eu lieu comme annoncé par la mairie de Bujumbura. Dans tous les cas, cette mesure est mal vue par certains commerçants. Reportage à suivre. Et le gouvernement du Burundi affirme être à l'œuvre pour réhabiliter les routes, surtout nationales, en état de délabrement. Vous entendrez les explications du directeur général de l'ARB. C'est l'agence routière du Burundi. Et dans la chronique sportive, nous parlerons du tournoi d'ouverture du championnat national de basketball édition 2023 qui a eu lieu ce week-end. Et dans la page culture, 27 ans après la mort de Tchanjo Amissi, les artistes se souviennent de ses messages sur l'amour, le patriotisme. Tout cela dit dans un arrangement musical hors pair. En actualité internationale, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président est mis en accusation. Donald Trump est attendu à New York ce lundi et va faire face à un juge. Il a négocié pour ne pas être menotté. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le gouvernement du Burundi est à l'œuvre pour réhabiliter les routes, surtout nationales, en état de délabrement. C'est du moins ce que déclare Sylvestre Nsanzerugeze. C'est le directeur général de l'agence routière du Burundi, ARB. C'est après que les usagers des routes nationales numéro 7 reliant la province de Rutana en passant par Jenda et Bujumbura et la RN8 reliant Gitega à Rutana aient indiqué à la presse que ces routes sont jonchées de nids de poules qui endommagent leurs véhicules, causant des pertes énormes, surtout aux commerçants faisant le transport des biens des personnes. Suivez plutôt Sylvestre Nsanzerugeze, il est directeur général de l'agence routière du Burundi. Pour les routes nationales revêties, il y a une politique zéro nid de poules. On a commencé par la RN1 et RN2 et pour le moment on est en train de faire le bouchage de nid de poules sur la RN7 et après la RN7 on va entamer la RN8. Mais c'est pas seulement ces travaux de bouchage de nid de poules, il y a des travaux aussi de stabilisation des grissements. Au PK11, on a déjà terminé ces travaux et on est au PK15. Partie dit Basekeza, donc c'est une partie qui est menacée de coupure. Et pour le moment, les machines sont là, nos techniciens sont à l'œuvre pour empêcher que cette route soit coupée. Et après la RN7, on va entamer la route Rutana-Gitega. On entamera également la RN11, route Mabanda-Kihofi. Mais pour le moment, on a commencé à faire la réhabilitation du tronçon Noroveti de Kihofi vers Tchankuzo. C'est un tronçon de 120 km. Donc la RN11, c'est une route qui a une longue distance par rapport aux autres routes nationales. Donc on a commencé à réhabiliter la partie nord-ouvertie pour permettre la praticabilité parce que ça fait longtemps que cette route ne passe pas. C'était le directeur général de l'agence routière du Burundi, Sylvestre Nsanzerugeze. Et la banque de crédit de Bujumbura a introduit un nouveau produit permettant de faire des transactions bancaires avec son téléphone. MyBCB devrait apporter des facilités aux clients de cette banque. Lors de son lancement ce lundi, Camille Ogudeji, directeur général adjoint de cette institution bancaire, a expliqué que cette technologie qui sera utilisée à travers tout le pays épargnera aux clients la perte de temps sur les longs files d'attente devant les guichets. MyBCB est un service bancaire mobile qui va permettre à nos clients particuliers d'effectuer toutes les opérations courantes de banque à partir de leur smartphone. MyBCB permettra à nos clients de faire des virements compte à compte du même client. Le même client peut débiter son compte dépôt ou créditer son compte chèque et vice-versa. Il peut encore faire des opérations de son compte vers un autre client BCB dans la même banque ou bien faire un virement BCB vers un compte logé dans une autre banque de la place, donc une banque locale. Donc ça fait 3 possibilités de virement. Virement compte à compte de la même banque, virement vers les tiers et virement vers les tiers dans une autre banque logée sur la même place que Bujumbura. En plus de ça, le client peut consulter son solde, il peut consulter les mouvements de son compte et enfin, il peut s'inscrire sur le produit BCB Mouira. Parce que jusque-là, BCB Mouira, il faut remplir des papiers pour le faire. Mais aujourd'hui, avec cette plateforme MyBCB, il pourra s'inscrire, il pourra s'enrôler automatiquement. MyBCB a 3 caractéristiques fondamentales. Il est instantané, il est simple et il est sécurisé. Instantané parce que vous faites les mouvements qui sont enregistrés instantanément, le solde est mis à jour automatiquement Il est simple parce que le menu s'affiche et est indicatif. Vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin d'être coaché pour le faire. Et il est sécurisé parce que le niveau de sécurité est élevé pour éviter toute intrusion, toute manipulation. Camille Ogudeji, directeur général adjoint de la Banque de Crédit de Bujumbura, BCB. Certains commerçants du marché de l'Ouvoméra disent qu'ils n'ont pas bien accueilli la mesure annoncée par la mairie de Bujumbura de démolir certains stands érigés à l'extérieur de ce marché. Ils affirment qu'ils payent pourtant à la mairie ces places qu'ils occupent. Ces commerçants indiquent que d'habitude, ceux dont les stands étaient démolis devaient automatiquement bénéficier d'une place à l'intérieur du marché, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils demandent donc aux autorités municipales de ne pas mettre à exécution cette mesure. Un reportage d'Ingabire Dohoreb. Certains de ces commerçants expliquent qu'ils n'ont pas été consultés à propos de cette mesure de démolition des échoppes qui ne sont pas construites dans les normes prises par le maire de la ville de Bujumbura. Ils disent qu'ils ne comprennent pas la démolition de leurs parcelles alors que c'est la mairie qui leur a octroyé ces places. Certains commerçants comme nous, nous avons mal accueilli cette mesure de démolir nos échoppes car nous n'avons pas été informés qu'il y a un groupe de gens qui va venir pour mettre des croix sur nos places, prouvant qu'ils seront démolis. Nous savions que nous occupions des places qui sont en ordre, puisqu'on payait des frais à la mairie comme il faut. Nous avons des numéros et des fiches. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette mesure, alors que nous sommes en ordre avec la mairie. Ces commerçants demandent des éclaircissements pour qu'ils sachent la raison de la prise de cette mesure. Il faut qu'ils donnent la lumière sur cette décision parce que nous ne savons pas pourquoi ils vont venir démolir et prendre aussi nos marchandises, comme ils le disent. Cette démarche de démolition devrait démarrer ce lundi le 3 avril, selon la correspondance du maire de la ville sortie en date du 20 mars 2023. Mais à notre arrivée au marché de l'Ouvoméra, nous avons constaté que cette activité n'a pas été exécutée. Ingabire de Horeb, stagiaire à notre station, il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le 3 avril, c'est la date de commémoration de la mort de l'artiste Tchandjo Amissi. 27 ans après sa mort, son message reste gravé à travers sa musique. Message centré sur l'amour et le patriotisme dans un arrangement musical hors du commun. Christian Savier. Fils d'Ofsisi Hussein et de Asina, Tchandjo Amissi est né sur la colline de Shikiro. Nous sommes au chef-lieu de la province Ngozi. Il grandit dans cette ville où il fait ses études secondaires au collège Don Bosco à Burengo. Tchandjo Amissi fait ses débuts d'instrumentiste au cours de sa préadolescence sous l'influence d'Amouri, un fabricant artisanal de cuisinières à charbon portable, Imbabura. Tchandjo Amissi centre ses idées dans différents domaines comme d'abord le social. Dans sa chanson Omugabo Ukuri, il a une plume remarquable quand il parle d'amour. Il n'a pas manqué l'occasion de parler de l'amour maternel en faisant des éloges à sa maman dans Mouvie. Tchandjo Amissi parle également de la beauté de sa patrie, le Burundi, dans Ewe Burundi. Ewe Burundi, Ewe Burundi. Tchandjo Amissi est régulièrement cité comme une référence majeure dans l'art musical burundais. Il rend l'âme la nuit du 3 au 4 avril 1996. À cause d'une maladie. Actualité internationale. Au Sénégal, les docteurs en spécialisation, ces médecins en formation qui travaillent dans les hôpitaux sont en grève du 1er au 3 avril 2023 pour protester contre leurs conditions de travail et suite à l'arrestation d'une des leurs, Aminatou Bangbola. Celle-ci avait pris en charge l'opposant Ousmane Sonko à la clinique Souma Assistance 2 semaines auparavant. Leur collectif dénonce un statut trop flou des docteurs en spécialisation. Ces étudiants qui travaillent pourtant dans tous les hôpitaux sénégalais, le docteur Bangbola, a été remise en liberté le 31 mars, mais sous contrôle judiciaire. La grève se poursuit jusqu'à ce lundi soir avec un service minimum assuré. Et le groupe terroriste Boko Haram change de méthode dans la région du lac Tchad et fait plus en plus recours aux enlèvements contre rançon, ce qui pousse la population à fuir. L'administration, les ONG et les journalistes opérant dans la région du lac dans le sud-ouest du pays sont formels. Plus aucune attaque de grande envergure depuis des mois dans la région. Les djihadistes de Boko Haram opèrent désormais de nuit et par petits groupes de 6 à 8 combattants en évitant l'armée tchadienne. Et hors du continent africain, New York se prépare à une historique comparution en justice. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président est mis en accusation et va faire face à un juge. Et déjà hier, dimanche 2 avril, les lignes de front se sont dessinées toute la journée. L'avocat de Donald Trump a fait la tournée des émissions politiques télévisées. Une fois qu'il aura franchi les portes du tribunal, Donald Trump se rendra directement au 15e étage pour faire face au juge. On lui égrenera les nombreux chefs d'accusation. Il y en aurait au moins une trentaine. On enregistrera ensuite ses empreintes digitales, mais il a négocié pour ne pas être menotté. On ne sait pas encore en revanche si on lui prendra sa photo d'identité judiciaire, le fameux mugshot des inculpés aux États-Unis. Et faire voyager un ancien président si controversé, c'est toute une logistique et énormément de sécurité, estiment nos confrères de Radio France Internationale. Ainsi se referme, avant de refermer ce journal, passons maintenant à la chronique sport comme annoncé dans les titres. 15 équipes de la mairie de Bujumbura et celles de l'intérieur du pays ont participé au tournoi d'ouverture du championnat national de basketball édition 2023. Lionel Bagnier-Zako, porte-parole de la Fédération burundaise de basketball, fait savoir qu'au total, 16 équipes auraient dû participer. Mais la formation de Brothers de Chankuzo s'est absentée à la dernière minute pour raisons techniques et financières. Jean-Marie Vianney, Genda Kumana pour les détails. Ce tournoi d'ouverture du championnat national de basketball édition 2023 s'est bien déroulé et a été remporté par le club Urunani, évolué dans l'association des clubs de basketball amateur de Bujumbura à Sebab en Sigre. Lionel Bagnezako, porte-parole de la Fédération burundaise de basketball. Nous venons de terminer le tournoi d'ouverture. C'est un tournoi qui montre qu'on commence une nouvelle saison. C'est-à-dire que sur les 16 équipes qui ont été enregistrées, une seule équipe n'a pas présenté sur le terrain, c'est le club de Bradas de Chankuzo. Maintenant, nous avons 15 équipes qui se sont présentées. Et le tournoi de Vettel a été bien préparé et le club Urunani a remporté la victoire du tournoi de Vettel. Il ajoute qu'un club qui participe à ce tournoi doit être enregistré parmi les clubs qui jouent le championnat national de basketball. Pour participer à ce tournoi de Vettel, c'est-à-dire que ce sont toutes les équipes qui sont enregistrées pour la Viva Basketball League de 2023. Auparavant, c'était 16 équipes, mais parce que le club Bladaz de Chankuzo n'a pas pu se présenter pour des raisons techniques ou économiques, nous avons les 15 équipes qui ont bien répondu à notre invitation du tournoi d'ouverture. Ce porte-parole de la Fédération burundaise de basketball constate que le niveau des équipes ayant participé à ce tournoi a été renforcé. Nous avons vu que toutes les équipes se sont renforcées. Il y a des nouveaux joueurs au niveau technique. Beaucoup de clubs se sont renforcés du côté technique. Nous avons vu que la Viva Basketball League sera bonne par rapport à la Viva de 2022. Dans la prochaine chronique sportive, Lionel Bagnezako donnera des éclairages sur les critères pris en compte pour décerner les prix aux clubs vainqueurs ainsi que les recommandations susceptibles de contribuer à la bonne organisation de ce rendez-vous sportif. 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Un rapide rappel des titres avant de nous séparer. La démolition des stands érigés à l'extérieur du marché de Louvoumera n'a pas eu lieu comme annoncé par la mairie de Bujumbura. Dans tous les cas, cette mesure est mal vue par certains commerçants. Et le gouvernement du Burundi affirme être à l'œuvre pour réhabiliter les routes nationales est en état de délabrement. Vous avez suivi l'auditeur général de l'agence routière du Burundi. Vous venez de le suivre dans la chronique sport. On a parlé du tournoi d'ouverture du championnat national de basketball édition 2023 qui a eu lieu ce week-end. Et 27 ans après la mort de Tchandjo Amissi, les artistes se souviennent de ces messages sur l'amour, le patriotisme et tout cela dans un arrangement musical hors pair. En actualité internationale, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président est mis en accusation. Donald Trump est attendu à New York ce lundi et va faire face à un juge. Mais il a négocié pour ne pas être menotté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, tout de suite, voilà, suivre la revue de presse régionale. Actualité régionale. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes. L'actualité régionale commence par le journal Okapi du Congo qui écrit sur les Maïmaï qui ont attaqué dimanche 2 avril 2023 le centre d'identification et de l'enrôlement des électeurs d'Ovuranda dans le territoire de Lubero, rapporte les sources locales. Les opérations d'enregistrement des électeurs ont été suspendues dans ce centre qui était sécurisé par un autre groupe Maïmaï. Selon les sources locales, les miliciens n'ont pas cependant touché aux kits électoraux de la CENI lors de leur incursion. Le journal Domonito de l'Ouganda écrit sur le transport. Les passagers qui utilisent le train Namanvé Kampala devront trouver des alternatives après la suspension du service pendant 6 mois en raison de travaux sur l'itinéraire. Cela survient alors que l'Uganda Landway Corporation a temporairement suspendu le service pour permettre des opérations sur la ligne de chemin de fer au cours de 6 mois prochains. Actualité régionale. Le journal Tribune du Soudan, les partis au processus politique au Soudan ont convenu samedi de signer l'accord politique final le 6 avril, donnant plus de temps aux parties prenantes militaires pour parvenir à un compromis sur la réforme du secteur de la sécurité en Tanzanie. Mwananchi écrit sur un nourrisson estimé à 14 jours qui a été retrouvé jeté à la porte de la maison de Jennifer Donald, une habitante de la municipalité d'Omanda. S'adressant à un citoyen témoin de l'incident, Paul Daniel a déclaré que, alors qu'il se promenait à 15h, ce dimanche 2 avril 2023, après avoir franchi le portail, il a trouvé des vêtements sur la porte d'entrée et quelque chose joué. Il disait à mon ami, « Je ne savais pas s'il y avait un enfant, je n'ai pas touché. Je suis entré et j'ai demandé ce qu'il y avait à la porte. Les gens qui étaient à l'intérieur sont sortis et l'ont révélé et nous avons trouvé l'enfant enroulé dans son tissu. Les habitants de la région sont attristés par l'action. Cette situation fait mal. C'est par ici que nous mettons un point final sur l'actualité régionale. Elle vous a été préparée et présentée par Lydie Gahimbale. Au revoir. Actualité régionale.